Vendredi 1er mars, 17h30, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Voix à nouveau grippée, brinque-ballante, pourrait-on dire. On verra si elle va survivre pour cette heure de radio consacrée au 9e art, à la bande dessinée sous ses diverses formes. Et cette semaine, on portera plusieurs regards sur des parutions récentes, beaucoup de commentaires BD, d'idées, de suggestions qui seront apportées par nos multiples collaborateurs. Alors notamment, il y aura Anne-Marie Olivier qui sera de passage tout à l'heure, également en deuxième partie d'émission, donc Marco Duchesne et Patrick Marleau, qui apporteront des suggestions donc autour de différents titres, et des titres d'ailleurs parfois très attendus. Alors ce sera l'essentiel du menu de cette semaine, et par ailleurs, on aura le plaisir également de porter un regard sur l'album Les Flâneurs, qui est disponible depuis déjà quelques temps à Loi de Cravanes. C'est une œuvre de Simon Bossé, qu'on connaît également sous le nom de Mille Putois, un artiste qui donne du côté de la sérigraphie et du côté de la BD, quand même troisième album pour lui à Loi de Cravanes, un album à l'aquarelle sur l'attente, des attentes qui sont à la fois courtes et longues sur le flânage au bout du compte. On en parlera un peu plus avec lui tout à l'heure. Alors voilà pour l'émission de cette semaine, et sinon, quelques nouvelles du monde de la bande dessinée. Notamment, c'est un peu incontournable de ne pas commencer l'émission en mentionnant que les éditions Les 400 coups ont changé de propriétaire. Alors, Les 400 coups que vous connaissez probablement pour nous avoir offert quelques séries BD au fil des dernières années. On pense notamment à la collection Rotor, via laquelle on a l'Académie des chasseurs de primes, ou encore la série Lionel et Nougat. Également des bandes dessinées jeunesse comme la série des Ariane et Nicolas. Alors, c'est Monsieur Simon de Joka qui se porte acquéreur des éditions Les 400 coups. Une acquisition qu'on annonce d'emblée dans la continuité de ce qui était présentement offert chez donc les 400 coups, notamment en ce qui concerne la division jeunesse, qui reste sous la gestion d'Yves Nadon et Renaud Plante, qui étaient déjà en place. Alors on peut imaginer donc les objectifs, les visées, le type d'album qui était offert de ce côté par les 400 coups restera essentiellement le même. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le secteur adulte des 400 coups, également les éditions Mécanique Générale, qui étaient sous la houlette des 400 coups, mais qui, depuis que je suis à la barre de cette émission, avait produit seulement une seule BD. On en a parlé il y a quelques mois, Le Manteau de Bologna. Alors, donc, ce qu'on sait, c'est que donc la secteur adulte et Mécanique Générale vont être repris par les éditions Somme Toute, dont la direction éditoriale sera assurée par Renaud Plante. Alors, on annonce via cette maison d'édition-là des œuvres offrant différents points de vue sur notre société, sur la création des livres sur l'histoire culturelle du Québec, et on annonce également une relance peut-être un peu plus accentué, donc de Mécanique Générale avec des nouveaux projets de bande dessinée. Alors, ce serait intéressant de voir quelle forme tout ça va prendre, et si, plutôt que d'avoir un joueur occasionnel à l'intérieur du marché de la BD québécoise, eh bien, on aura un joueur peut-être un peu plus actif dans ce secteur-là. On met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et sinon, peut-être petite mention également avant d'aller en musique. Donc, lancement et d'une expo hommage aux bandes dessinées qui ont inspiré les auteurs du Bob. Ça sera lancé le 3 mars prochain, donc un dimanche en fin d'après-midi. Alors, ce sera donc des œuvres de Joël Sim, de Alex A, de Draco et Takasque, Carl Dupéré-Richer, Vincent Giard, Saturnome, Matt Hordog et Julien Dufour qui seront exposés. Donc, si on veut un peu plus d'informations, notamment via le site de socialisation Facebook, vous allez avoir le détail là, de tout ça. Une présentation donc du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, et c'est exposé au 525 rue Saint-Jean. Alors voilà pour ces petits notules. Et en musique cette semaine, c'est une formation à saveur 8-bit qui nous accompagne au fil de l'émission avec plusieurs extraits. Il s'agit de Radlib, et on écoute d'emblée un premier extrait de leur album « Too Cheap to Quit » Icarus. We'll be right back. Et vous êtes à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1 en vous rappelant que si vous voulez écouter d'autres émissions, en fait, celles passées de cette série, eh bien, c'est possible de le faire via notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'une de nos collaboratrices, Anne-Marie Olivier. Bonjour. Salut Raymond. Alors, Anne-Marie, évidemment, toujours de passage pour nous partager quelques regards, quelques commentaires BD. Alors, oui, deux titres. Très nouveautés cette semaine. Oui, des très nouveautés, ça sort de tes boîtes, là, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, premier titre de Nicolas Mallaire, de son dernier, qui s'appelle « Pornographie et suicide » chez l'Association. Donc, pour résumer, Nicolas Mallaire, pour ceux qui connaissent pas, fait souvent des petits traits d'observation, en fait, sur la vie courante et sur les discussions qui l'entourent. Alors, c'est dans, un peu dans la continuité de son travail. Mais là, il s'attarde beaucoup sur la vie artistique et toutes ces petites incongruités et tous ces, ces dérivés. Mallaire, moi, je trouve que c'est vraiment un des rois du trait d'esprit, assez caustique. C'est un grand observateur aussi de l'absurde au quotidien. Je le trouve assez intéressant parce qu'il amène un regard différent aussi dans la mouvance de ceux qui font ce genre d'observation du quotidien. Il y a un trait et un dessin assez minimaliste. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un dessin en ligne droite, en noir et blanc, donc à l'encre aussi, des personnages qui ont souvent pas de visage, mais c'est pas ça qui est important de toute façon parce que tout est dans le propos. Exactement. À la limite, en fait, le trait simple vient appuyer le propos, vient le mettre en valeur et lui donner un esprit qui l'enrichit, je trouve. Oui, tout à fait. Puis on a droit, c'est ça, à des personnages assez savoureux, croqués sur le vif. C'est des situations vécues. Des fois, tu te demandes, mais mon Dieu, sur combien d'années il a ramassé ces petites scènes de vie, en fait, pour en faire un album qui se tient très bien, qui a pas du tout de temps mort. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, pornographie et suicide, on ne parle pas du tout de pornographie et de suicide. C'était, sur ce que j'ai lu, en fait, c'est vraiment pour faire une joke et pour démontrer, encore une fois, pour rester dans son esprit, une situation qu'il dénonce parce qu'on dit qu'il a rencontré un étudiant qui lui a raconté comment l'université avait refusé son projet de thèse sur le suicide et finalement cet étudiant a choisi la pornographie. Où est le lien? Ça n'a aucun rapport, mais c'est devenu le titre de l'album. Alors, enfin, un titre un peu au hasard, un peu à l'image, en fait, tu parlais de trait d'esprit tout à l'heure, mais dans le fond, déjà le titre est annonciateur, c'en est un, c'est une blague, c'est... Oui, c'est ça. Puis on navigue entre les histoires, bon, des espèces de scènes de vie où le grand-père essaie de transmettre son savoir à son petit-fils, donc Nicolas Mallaire, ou des histoires savoureuses aussi de fonctionnaires qui organisent des concours sur la bande dessinée et qui connaissent rien à rien à la bande dessinée où on ne lit pas les livres qui sont mis en nomination. En tout cas, c'est assez ridicule et ça donne des situations vraiment très drôles. Et tout ça, Anne-Marie, est-ce que ça reste donc pour ceux qui connaissent Mallaire, qui apprécient son travail, ça reste dans du bon? Est-ce que c'est meilleur que les précédents? Est-ce que c'est un peu moins bon? Ben c'est sûr que ça reste toujours subjectif, mais moi, honnêtement, je me suis régalée avec ce petit album-là, qui est tout rose, d'ailleurs, rose bonbon. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Mallaire, puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est un très bel album. Alors, on pourrait dire au lecteur, et là, je vais faire un gag assez ennuyant, mais si vous ne lisez pas Mallaire à toi... Voilà. Alors, il saurait l'apprécier, sûrement. Je l'espère. Et donc, ça, c'est Pornographie et suicide, donc de Nicolas Mallaire, c'est à l'Association. Et Anne-Marie, deuxième titre, L'homme de l'année, donc de Jean-Pierre Pecaud, Fred Duval et Fred Blanchard chez Delcourt. Oui, alors, c'est une collection qui va s'attarder à... comment dire, plusieurs acteurs de grands moments, donc des gens dans l'ombre peut-être, mais qui ont fait l'histoire. Donc celui-là, donc va s'attarder un peu aux soldats inconnus en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors on raconte donc un enfant de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Boubacar, qui travaille dans une cacaoyère appartenant à la famille de Joseph, qui est un colon blanc venu de France, donc, et ils sont engagés tous les deux dans l'armée coloniale. Les deux hommes vont rejoindre en 1914 les troupes du général Mangin qui part pour l'Europe et les champs de bataille. Donc, durant leurs 7 années de combat, ce sont a priori un esclave et son maître qui vont en devenir et qui vont devenir vraiment un tandem et une amitié solide qui va se développer en occultant carrément la couleur de la peau dans ce cas-là. Mmh. Et donc, dans le fond, c'est vraiment une plongée autour de ces événements-là, plongée bien documentée, bien... Oui, vraiment. C'est aussi en particulier un hommage aux milliers de tirailleurs africains qui ont été enrôlés de force pour descendre donc une guerre qui était vraiment pas la leur, puis surtout pour une France qui était vraiment pas reconnaissante. En fait, on n'a pratiquement pas parlé de ces milliers d'Africains qui sont morts dans les tranchées. Puis, comme je disais un peu plus tôt, le duo maître-serviteur au cœur des tranchées, vraiment très attachant. On voit la situation et la relation entre les deux hommes évoluer, puis leur mentalité aussi. Et tout ça est soutenu par un dessin qui est très sombre, assez angoissant, faut le dire. Là, ça se passe majoritairement dans les tranchées, donc c'est pas très réjouissant. Mais c'est un trait qui est dur, mais qui témoigne quand même de l'horreur de cette guerre-là. Puis la fin qui est plutôt positive, somme toute. Donc ça vient quand même ajouter un peu de lumière là à cette bande dessinée-là. Et en même temps, j'ai l'impression que si justement on n'avait pas eu un trait sombre autour d'un sujet comme celui-là, ça ne lui aurait pas rendu l'âme nécessaire peut-être pour que le lecteur puisse palper, puisse saisir ce qui se passe et la réalité des tranchées. Là. Il fallait rendre justice vraiment à ces hommes-là qui ont les gens qui se connaissent peut-être dans la guerre de 1914-18 savent, bon, les tranchées c'était l'enfer sur terre, ça avait juste pas de bon sens. Donc c'est sûr que toute cette poussière-là, tout ce sang, les barbelés, on les voit très bien. Puis, il y a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, qui est comme une espèce d'histoire parallèle, c'est qu'on va faire un clin d'œil à l'histoire d'un dessin célèbre qui accompagne un produit qui est typiquement africain, qui s'appelle Banania. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent ça. C'est une espèce de chocolat aux bananes, une poudre qui est assez populaire en Afrique. Et donc, on fait comme, en fait, une mise en scène à savoir comment le noir, l'homme noir qui est dessiné sur cette annonce-là aurait pu être créée. Alors, c'est un joli clin d'œil, ça vient boucler la boucle, en fait, de cette bande dessinée-là. Et ça apporte donc un élément de rythme, un élément plus léger peut-être, oui. Et plus ironique aussi, j'imagine, en parallèle de l'histoire assez terrible qu'on suit. Oui, tout à fait. Et cet homme-là, on va lui rendre hommage, en fait, avec l'histoire du soldat inconnu. Et je vous raconte pas comment ça va se faire, mais ça donne aussi, c'est ça, un hommage à ces gens-là qui ont offert leur vie, et aussi une certaine réhabilitation là du côté de la France là, parce que beaucoup de gens se sont sacrifiés et les Africains n'ont pas du tout été remerciés de leur vie, en fait. Alors, une bonne première lancée pour une série qui s'appelle L'homme de l'année, donc avec un bon premier épisode là, qu'on nous offre. Oui, c'est ça va se décliner en 4 tomes là au cours des prochaines années. Alors ça, je le rappelle, c'est Jean-Pierre Pecaud, Fred Duval et Fred Blanchard, c'est chez Delcourt, ça s'appelle L'homme de l'année. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup. Merci. Et on se dit à très bientôt. C'est parfait. Au revoir. Au revoir. Voilà un autre rythme de la formation Radlib, tiré de leur album To Chip To Quit. Ça, c'est un extrait de l'album March of the Wumpeldeodites. Alors, on poursuit maintenant ses regards sur la bande dessinée, un album qui est apparu en cours d'année dernière. On est encore un peu en mode rattrapage en ce début d'année 2013. Alors, un album qui s'appelle Les Flâneurs, qui est disponible chez Lois de Cravanne. C'est le troisième album, d'ailleurs, chez cette maison d'édition de l'auteur Simon Bossé. Et on a le plaisir de l'avoir avec nous au bout du fil. Bonjour. Salut. Alors, ben, en fait, si on présente un peu l'album, Simon, je pense que le titre le dit bien, Les Flâneurs, c'est un peu l'histoire d'un moment d'attente, d'une pause, d'un temps qui est un peu, je reprends les termes de la description de l'éditeur, qui est à la fois un temps très court et très lent. Oui, ouais, je je pense qu'il y avait vraiment une tentative d'essayer d'imposer un rythme dans l'album pour justement créer une espèce de ralentissement là, puis que justement pour aider là, la cause des personnages, que finalement il se passe pas grand chose. Et en même temps, c'est un bon défi justement de raconter comme ça une histoire qui, au départ, on dit ben ok, c'est pas une histoire qui va se passer beaucoup, mais faut réussir à bien le rythmer pour qu'on sente ce pas beaucoup là à la lecture, mm-hmm. mais qu'on sente la lenteur et le temps, la pause dans le fond que les personnages ressentent. Ben oui, écoute, moi j'ai le luxe de travailler avec Loi de Cravant là, qui me donne toujours carte blanche sur mes projets, et puis ça me permet justement de des fois de sortir un peu du moule de l'album de bande dessinée. Tu sais, Benoît, eux ils font plus de poésie que de bande dessinée, mais c'est définitivement un amateur de bande dessinée, puis il nous appelle affectueusement ses poètes imagiers, et puis c'est pour lui, des fois, tu sais, un album de poésie, ça peut être une petite plaquette de 12 pages. Ça n'a pas d'importance, là, tu sais. Que l'histoire soit courte ou longue, si elle mérite la peine d'être racontée, lui est tout à fait intéressé. Oui, puis surtout, en fait, parfois, j'ai l'impression, quand on parle de poésie, par exemple, la poésie, c'est un peu une ambiance aussi, au-delà de ce qui est dit, c'est ce qui en ressort. Et les flâneurs, j'avais l'impression qu'au départ, c'est une ambiance. Oui. Écoute, moi, j'ai une petite famille, là, puis dans les dernières années, j'ai passé beaucoup de temps dans des parcs, et puis à me promener, puis à s'aîner avec ma fille, puis mon garçon, puis... Écoute, j'ai juste été comme passer des après-midi des fois à revenir dans des parcs où moi j'ai grandi, et puis qu'il y a eu 40 ans entre les deux là. Alors je revenais sur des souvenirs que j'avais. Il y a des parcs qui n'existaient plus, il y a des parcs qui existent encore, mais dans le même état qu'à l'époque où moi j'y allais comme enfant, avec les ados qui traînent au travers de tout ça. Fait que ça a été un petit peu à partir de tout ça là, que l'idée m'est venue là, de m'y attarder. Oui, de moments d'attente et de moments d'observation aussi. Donc, d'un côté, tu te rappelles ce que tu as vécu, de l'autre côté, tu imagines ce que les gens qui s'y trouvent vivent de leur côté. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y a quelque chose, il y a une richesse effectivement dans ces lieux-là qui est teintée du passage de tellement de gens. Je sais pas, il y a comme quelque chose dans des lieux publics, dans des parcs qui est inspirant, en fait, faut le dire. Oui, puis des fois, même si un parc, moi j'y vais avec mes enfants, puis t'as quasiment pas le goût d'y être parce que c'est des parcs qui font dur, mais en quelque part, il y a quoi de trippant là-dedans, là, puis les modules de jeu qui sont jaunis par le, tu sais, ils sont brûlés par le soleil, puis la balançoire qui est enroulée autour du poteau, puis tu sais, toutes des affaires qui font que, en quelque part, c'est beau pareil. Là. Et donc, c'est un peu de ces instants-là, de ces moments-là, que t'es venu l'envie de t'intéresser au flânage, de le placer aussi dans des parcs avec les flâneurs? Oui, ben moi, j'ai de la façon que je fais mes bandes dessinées, souvent, ça part vraiment d'une petite idée de rien. Puis ceux-là, c'était juste les deux personnages que je me suis mis tout le temps à dessiner, les mêmes deux personnages. Puis là, un moment donné, je me suis mis à les imaginer dans des corps d'adolescents, ma foi. Puis ça a déboulé comme ça, là, sans plus. Et est-ce que l'album s'est beaucoup créé en fait par le dessin, parce que on mentionnait en début d'entretien en fait le rythme est assez important dans les flâneurs, faut sentir justement cet esprit de flânage là. Donc est-ce que ça s'est beaucoup créé au dessin, ou au contraire il y a quand même une bonne job de scénarisation, de mapping pour voir un peu où on allait aller avec cet album là? Ben pour moi, c'est toujours un peu un exercice de style, dans le sens que les albums précédents que j'ai faits, les deux autres albums que j'ai faits à Loi de Cravant, c'est des albums qui sont muets. Et puis, ça a toujours été un peu, pour moi, la dynamique de raconter une histoire sans c'est que ce soit l'image, finalement, qui raconte l'histoire. T'sais. Fait que des fois, ça prend plus de cases, peut-être des fois, pour faire des mises en situation, puis préparer un peu le punch ou le gag, s'il y en a un, peu importe. Tandis que là, bon, ben, j'ai mis un peu des dialogues dans cet album-là, mais peut-être un petit peu encore en traînant cette habitude-là de vouloir imposer un genre de rythme là, pour... que des fois, si c'est juste un gag, il pourrait être raconté en trois pages, mais en ralentissant un petit peu le rythme, là, des fois, ça fait durer le plaisir. Ça, oui. c'est un exercice, j'imagine, pour moi. Oui, puis ça permet d'exploiter aussi justement les possibilités que la BD offre, que d'autres médiums offrent pas, donc d'imposer comme ça un rythme de lecture, un rythme d'observation aussi, ben c'est une des richesses du médium dessiné, à mon avis, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai l'impression aussi, Simon Bossé, que c'est un peu dans la lignée, en fait, si on fait le pont avec Bébête, dans la mesure où c'était des créatures, des bibites qui étaient dessinées là-dedans, et dans les Flâneurs, on retrouve aussi les personnages animaliers. Donc, est-ce qu'il y a un pont à faire entre les deux albums là-dessus? Ben, je dirais que oui, dans le sens que je pense que je prends beaucoup de plaisir à dessiner des bibites, puis des... Justement, dans Bébête, l'exercice était là, c'était de prendre des animaux et puis de les mettre dans des contextes et des situations humaines, mais toujours avec leur espèce de comportement animal, puis la confrontation des deux qui font des trucs des fois drôles, mais des fois pas drôles du tout, mais là... Oui, dans le fond, c'est une continuation de ça, mais en abandonnant complètement le côté animal du personnage. Et est-ce qu'il y a un plaisir, justement, ou qu'est-ce qui amène, au-delà de ce plaisir-là, peut-être aussi le choix, justement, de dessiner des personnages à saveur animalier au niveau des traits, des possibilités d'expression? Est-ce que c'est pour le plaisir de se distancer un peu du côté humain, d'apporter une autre dimension? Bref, pourquoi on s'oriente un peu là-dedans? Je sais pas, peut-être que... Tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? Moi, je dessine régulièrement, mais c'est comme si à chaque fois que je fais un nouveau projet, ça évolue. Je suis pas capable de... Je suis pas capable de m'asseoir puis de dire, bon, ben, ça y est, j'ai mis le doigt sur mon style, je le maîtrise parfaitement, puis là, ben, je pars avec ça. C'est comme si à chaque fois que je finis un projet, je suis content, mais quand j'en commence un nouveau, j'ai toujours envie là, d'essayer quelque chose de nouveau, là, ma foi. Tu sais, le premier album, c'était Intestine à l'oie de Caravan. Mm-hmm. Ça avait tout été peint à l'acrylique. C'était esthétiquement très beau, mais excessivement laborieux, je dirais, au niveau de l'exécution. Là, à partir de Bébête, j'ai travaillé avec l'aquarelle. C'est un petit peu plus permissif, ça permet d'aller plus vite. Puis avec le dernier album, encore là, le style y évolue. Là, tu sais, je sais pas, moi, je vois vraiment ça comme un laboratoire. Là. J'ai toujours envie d'essayer une nouvelle façon de faire. Puis, Oui, puis de pas rester statique, mais en continuant de développer des éléments de style, parce que reste que qu'on regarde, j'ai l'impression, en fait, certains éléments de ton travail sérigraphique, qu'on regarde ce que tu faisais côté Millepitois, par exemple, ou encore mm-hmm. tes albums, reste que quand même quelque chose qui ressort, qui fait qu'on peut quand même reconnaître que c'est du Simon Bossé, au-delà de cette volonté d'évolution et d'expérimentation. Ben merci. Ça me fait plaisir. Et Simon, dans les personnages aussi, je mentionne, on a beaucoup parlé de l'animalier, mais j'ai bien aimé aussi l'intégration de ma tante Boucane, ouais. Les traits qui sont assimilés aux nuages de cigarettes. Ouais. D'où est venu le jeu un peu et l'idée d'intégrer justement un élément comme ça dans le personnage? Tu sais, il y a beaucoup de choses dans cet album-là qui se passent un peu dans le quartier où moi j'ai grandi. Fait que sans nécessairement m'inspirer de des personnages qui ont existé, le personnage de Madame Boucan, c'était la maison de l'autre côté de la rue de chez nous où j'ai grandi. Puis c'était du monde vieux qui habitait là. Puis moi, des fois, mon père, il me disait, va couper le gazon à monsieur, je me souviens même plus de son nom, monsieur Brown, va couper son gazon, là, il est tellement vieux que ça lui donnerait un bon coup de main, là, tu sais. Puis à l'âge où j'avais, je trippais pas. C'était bizarre là, d'aller chez des vieux Anglais, là, puis ils étaient pas méchants, mais je veux dire, j'étais pas mes amis, là, puis ma tante Boucan, je sais pas, un soir, on était à un party, puis j'étais avec ma petite fille, puis j'ai une amie à moi qui s'occupait de ma fille un peu, puis elle nous faisait rire parce qu'elle fumait des cigarettes puis elle buvait du vin à bouteille, puis elle était là, hey, regarde Simon, c'est ma tante Boucan, puis en tout cas, on avait tellement ri que ça m'avait collé à la peau ce personnage-là, puis finalement je l'ai il s'est retrouvé dans l'album par la force des choses là. Parce qu'on avait envie de ma tante pas fine là, puis qui pue là, tiens, puis on dirait que le nuage de cigarette renforce l'odeur, en fait. Elle fume comme une cheminée. Et est-ce qu'on pourrait dire, en fait, parce que je t'ai entendu parler dans une entrevue à un moment donné, que avec ton expérience de BDiste, d'auteur, d'éditeur, de sérigraphe, d'artiste, que l'expérience que tu as du papier, du médium, de l'objet, au bout du compte, amène aussi une certaine approche de travail, de création au niveau de la BD, que tu penses, dans le fond, tes ouvrages, d'abord, et en partie, en fonction de l'objet que ça va donner? Ouais. Ben peut-être plus en sérigraphie, je dirais, parce que je veux dire, quand je fais un album qui est imprimé, je veux dire, au niveau de la reproduction, à peu près tout est possible, t'sais. Mais en sérigraphie, il y a vraiment des contraintes physiques, là, puis techniques qui c'est le fun finalement. Moi, j'ai toujours aimé ça un peu le quand il y a des impositions, là, parce que ça te force un peu à te plier aux caprices du médium ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, que j'aime toujours un peu changer mais l'approche que j'ai envers les projets, que c'est le fun des fois juste de se faire forcer de dire ben gars, c'est comme ça qu'il faut que tu travailles cette fois-ci. Fait que pour expérimenter, développer, puis en parallèle aussi avec beaucoup de projets, parce que, bon, il y a eu les flâneurs qui est arrivé l'année dernière, mais en parallèle, il y a l'Atlas sérigraphique de Montréal, je crois que tu es en train de préparer. Il y a un collectif, un travail aussi sur des autoportraits d'artistes BD qui va être lancé un peu plus tard cette saison. Oui, ben là, c'est plus mon travail de coordinateur et d'éditeur. Alors, l'Atlas sérigraphique, c'est un recueil qui va avoir une soixantaine de pages, qui est imprimé, dessiné et imprimé par des artistes qui impriment ici à Montréal. Fait que chaque participant a imprimé sa contribution au livre. Et puis, j'ai un autre ami qui fait de la reliure, c'est Marc Desjardins aux éditions Le Temps Volé, qui lui va faire un travail de reliure artisanale pour tout rassembler ça ensemble dans un livre monstrueux là, qui va avoir 12 pouces par 18 pouces de grandeur. L'autre, c'est un collectif d'autoportraits, 96 autoportraits de BDistes et artistes de tout horizon, qui va être réunis dans un petit livre entièrement sérigraphié. Ça, c'est moi qui le publie, puis qui l'imprime, puis qui le relie. Fait que ça, c'est tout prévu pour fin avril, début mai. Et ça, là-dessus, on aura l'occasion de s'en reparler, puisqu'il va y avoir un lancement à Québec, chez Morgan Bridge, d'ailleurs, du recueil d'autoportraits. Donc, ça, on se donnera rendez-vous au début du mois de mai ou à la fin avril là-dessus. Et d'ailleurs, parenthèse, les précédents albums que tu avais offert à Loi de Cravane, habituellement, étaient couvertures sérigraphiées. J'ai entendu par les branches que c'était à cause d'un projet de Dominique Pétrin que tu avais choisi de pas sérigraphier, finalement, les flâneurs. Ouais, ben Dominique m'a donné un sapré contrat l'automne dernier. Et puis j'ai travaillé longtemps dans un bar, puis là je suis rendu travailleur autonome. Fait que quand il y a des beaux contrats comme ça, on les laisse pas passer. Fait que en revanche, j'ai sacrifié la couverture que d'habitude je prenais plaisir à sérigraphier pour mon album, mais j'ai pas été déçu non plus, parce que c'est le fun de se faire imprimer une couverture couleur aussi là. Ça m'était jamais arrivé avant, fait que je suis pas malheureux. Et donc, on peut découvrir, évidemment, on le mentionne une nouvelle fois, donc Les Flâneurs, donc, troisième album, beaucoup de projets sur la table et peut-être même une suite à Bébête? Oui, s'il y a un quatrième album, ce serait Re-Bébête, finalement. Fait que je continuerais exactement dans la même foulée là, que cet album-là, en mettant des personnages animaliers dans des contextes humains. Fait que ça, je sais pas quand, là, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Aucune idée. À suivre. Je suis pas rendu là. Eh bien, Simon Bossé, en évidence face à tout ça, on se dit à la prochaine. Oui. Mais merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Ciao. Alors voilà, je rappelle Les Flâneurs de Simon Bossé, donc troisième album de l'auteur chez Loi de Cravane, qui est disponible depuis déjà quelques temps en librairie. Alors, jetez un coup d'œil si l'envie vous en prend. Nous, on prend une courte pause à venir des commentaires BD, ceux de Marco Duchesne et de Patrick Marleau. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 17 mars, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le 2 mars à 20h, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec Habib Kouaté et Éric Bibb. C'est une soirée tout en blues qui vous attend, en compagnie de ces deux musiciens prodigieux, l'un malien et l'autre afro-américain. Les deux maîtres guitaristes feront rimer leurs instruments et leurs voix pour vous offrir un blues enveloppant. Le 2 mars, vivez la musique à son meilleur avec Habib Kouaté et Éric Bibb. Détails au palaismontcalm.ca. Les flans, c'est quoi ça, les flans? Le Théâtre Sous Zéro présente La Guerre des Tuques, une adaptation décapante du film culte produit par Roch de Merff, adapté et mis en scène par Fabien Cloutier. Il s'est pris le pied dans un piège à renard à ours. La Guerre des Tuques, un conte pas pour tous, présenté au Musée des Beaux-Arts du Québec du 7 février au 3 mars. Réservé au 418-643-2150 ou mnba.qc.ca. Je pense que Cléo a attrapé une dépression nerveuse. Une collaboration du Musée des Beaux-Arts du Québec et de CKRL 89.1. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. En vous rappelant que vous pouvez nous suivre sur le site de socialisation Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et également, je vous mentionne mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, cela étant dit, le plaisir maintenant, nous avons le plaisir de recevoir un autre de nos collaborateurs dans cette émission riche en rencontres. Marco Duchesne, bonjour. Salut Raymond. Alors, Marco, quelques titres à l'horaire cette semaine. Commençons tiens, avec un premier chez Dargo de Thierry Smolderen et Cléris Alexandre, Les souvenirs de l'Empire de l'Atome. Eh bien oui, cette rentrée en fin février a été pour moi très belle découverte. Encore aujourd'hui, j'en ai reçu un autre que probablement je vais te parler dans une prochaine rencontre. Et tout ça chez Dargo, mes deux premiers coups de cœur viennent de cet éditeur. Le premier, Souvenir de l'Empire de l'Atome. Écoute, ça avait à me toucher sur tous les plans et je pensais pas que ça serait aussi fort. Qu'est-ce que le Souvenir de l'Empire de l'Atome? C'est de la science-fiction. Alors, Smolderen, qui a écrit quelques scénarios, quelques séries, à un moment donné s'était mis plus à l'essai, et là revient au scénario, aidé par un certain A. Cléris, qui nous sert un style des années 50, un style de ligne claire, et tout ça sert le propos, évidemment, parce que je vais te parler de l'histoire. Et parenthèse, Marco, un dessin qui est très beau, qui est très joli, qui est très surprenant peut-être, parce qu'on n'en voit plus des dessins comme ça, On n'en voit plus, c'est une esthétique des années 50 à la Mad Men, pour ceux qui connaissent, avec des couleurs très brutes, rouge, bleu, jaune, qui sont pétantes, et tout ça sert le propos. Qu'est-ce que le propos? Un homme, Paul, qui vit dans les années 50, fin 50, début 60, il a été pour une agence d'espionnage, mais pas sur le terrain, dans les bureaux. Et on découvre, et lui-même fait la confidence, qu'il est en contact télépathique avec un conquérant du futur, l'Empire de l'Atome. Et tout du long, il va gérer ce lien télépathique, il va se faire de cet ami, de ce conquérant, un ami en télépathie, et il va se confier, et Paul, celui qui vit dans les années 50, va se confier à son psychanalyste, qui va essayer, lui, le psychanalyste va essayer de trouver d'où vient. Pour lui, c'est des hallucinations. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, tout du long, en fait, une bonne première partie où on doute un peu, sincèrement, parce que chaque fois qu'il régresse dans son enfance, on trouve le traumatisme qui fait que une servante, une nounou qui l'a initié au sexe, la découverte des livres de science-fiction, mais Paul est convaincu. Les auteurs de science-fiction nous annoncent le futur. Le design des années 50 est issu du futur. Il le voit, il nous l'indique, il nous parle de ces choses du quotidien qui ont l'air très futuristes, ben, pour l'époque. Mm-hmm. Et quand on est en contact avec cette, ce double, ce conquérant, comment, je me rappelle plus de son nom, mais de ce conquérant du futur qui a conquis des planètes, on y voit un esthétisme futur, mais qu'on avait dans les années 50. Mmh. Ça ressemble beaucoup à Flash Gordon, oui, des, qu'on voit à la télé ou des trucs comme ça. En fait, l'idée du futur qu'on avait dans les années 60, voilà, est un futur qui finalement est jamais vraiment devenu réel et qui est une extrapolation, dans le fond, des technologies qui étaient en vedette à l'époque, donc qui donne presque en fait du formica punk ou je sais pas. Voilà. Quoi. Alors, c'est toute l'esthétisme ne sort jamais de ça. Et l'histoire avance. Un espèce de personnage qui veut qui manipule les plus grands esprits de ce temps-là, hypnotise les gens et finalement va faire en sorte que Paul va trahir son meilleur ami du futur. Bref, suspense, science-fiction, anticipation, tout est au rendez-vous. Et ça fonctionne, c'est rythmé. Écoute, ça fonctionne au point que moi, dès le départ, ça me disait quelque chose. Et à la fin, une phrase arrive à la fin, et là, j'ai été servi, j'ai fait, ah oui, ok. Soldorin s'est inspiré d'un auteur de science-fiction des années 50 qui s'appelle Cowell Smith et qui a créé un univers, un saga de science-fiction qui s'appelle Les Seigneurs de l'Instrumentalité. Qui, moi, je m'y connais pas beaucoup en science-fiction, j'en lis très peu, mais celui-ci est mon livre de chevet, je relis régulièrement. Cowell Smith a créé un univers à partir de nouvelles. Chaque nouvelle fait avancer l'humanité de milliers d'années. Et la première nouvelle se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide. Les Russes ont trouvé le moyen de communiquer avec le futur. That's it. Alors, j'ai l'impression, Marco, de ce que tu nous dis, le lecteur lambda qui tripe pas sur la science-fiction va aimer, mais si on possède bien nos références de science-fiction, on va plus qu'apprécier, si on peut dire. On aime la science-fiction, on va embarquer dans cet univers-là et voir toutes les ficelles. Si on n'aime pas, si on n'est pas habitué à la science-fiction, on va s'attacher à Paul, qu'il est vraiment... Et d'ailleurs, ça ouvre avec sa petite fille. Il l'amène se promener et déjà là, il joue à un jeu qui va lui faire faire les flashbacks, qui vont nous raconter l'histoire. Écoute, il est fort sympathique, ce Paul, mais tout l'album, là, on s'installe puis on se laisse emporter dans cet univers-là. Alors ça, c'est Souvenir de l'Empire de l'Atome, c'est de Thierry Smolderen et Clarisse Alexandre, c'est chez Dargo. Et autre album sur lequel on s'attarde cette semaine, Marco, un album qui d'ailleurs a suscité, nous disait Thomas Louis il y a quelques semaines, de longues files de dédicaces à Angoulême, c'est La Colère de Fantomas, tome 1, Les Boîtes de Justice, d'Olivier Boquet et dessiné par une Montréalaise, Julie Rochelot, c'est chez Dargo également. Voilà. Alors ça, c'est quand c'est rentré, déjà là, l'esthétique de l'album, le page couverture, j'ai fait wow. Et je l'ai pris sous le bras, je l'ai amené à la maison, j'avais commencé par Les Souvenirs de la Tombe, j'étais déjà sur un high. Là, je me mets à lire La Colère de Fantomas et je regarde pas les auteurs tout de suite. Moi, souvent, je m'embarque dans le livre et je commence ma lecture et bon, je me laisse emporter. Alors, le scénariste Olivier Boquet nous raconte dans sa préface son amour pour Fantomas. Bon, nous ici, on connaît moins. Mais en France, c'est une icône. En France, c'est une icône. Tout ce qu'on connaît ici, c'est les films avec Jean Marais et Louis de Funès, ou à peine. Là. Et dans la préface, déjà, Olivier Boquet m'agace parce qu'il y a un beurre épais. Fantomas, c'est l'ancêtre du super-héros, il est le vilain. Écoute, il y a un beurre épais. Me dit, ah, ok. Mais le dessin me plaisait. Et là, les deux pieds dedans, wow! Le travail de Julie Rochelot est extraordinaire. Écoute, graphiquement, là, c'est tellement ça. Là. Quand arrive le personnage de Fantomas, on a la trouille. On a peur. On angoisse. Écoute, c'est vraiment là, le trouillemètre est à zéro. C'est efficace. Parce qu'on réussit à créer l'ambiance, on réussit à bien l'amener et on réussit à bien le dessiner aussi pour que ça transparaisse. La narration, le dessin, le choix des couleurs, écoute, tout fonctionne. Et au niveau du scénario, ça marche aussi parce que on y va avec la fin d'un personnage. Fantomas est mort, mais est-il vraiment mort? Il revient. Bref, on n'est pas obligé d'avoir été baigné dans cet univers-là. Non, on embarque avec avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui de d'effectivement de vilains et de films de policiers de et tout. Ça fonctionne. Et là, après avoir vu ça, quand j'ai vu les auteurs, waouh, j'ai fait waouh, c'est une bonne fan de 7 qui nous a fait ça. Waouh, j'étais super content et très fier, en tout cas, d'avoir un tel produit. Et tout ça aux éditions d'Argo. Ça annonce une trilogie, je crois, en tout cas, une série de quelques albums, une mini-série. Et déjà, qui était assez attendu là-bas, de ce que j'en ai compris. Ici, en fait, la grande question, tu l'as soulevé au départ, Marco Duchesne, c'est est-ce que, justement, la mythologie de Fantomas allait traverser, allait passer outre-mer pour ceux qui ne connaissent pas l'héritage de Fantomas? Et de ce que j'en comprends, ça fonctionne, même si on n'a aucune idée c'est qui, écoute, ça n'a pas d'importance. Écoute, Raymond, c'est... pointez-vous en librairie. Feuilletez-le. Regardez la couverture. Tout fixez simplement. La couverture. Faites, OK, c'est déjà ça. C'est une porte ouverte. Le reste, je veux dire, c'est coller un nom à... Ça a pas, l'album fonctionne lui-même à créer sa propre mythologie qui s'appelle Fantomas et qui fonctionne. On comprend tout de suite. Là, l'intérêt d'aller voir les vieux films, de lire les vieux romans, je sais pas. Mm-hmm. Mais personnellement, moi... Si on commence là, on est content. Ah non, écoute, on est happé. On attend le prochain. Écoute, et je pense que si elle est Angoulême, si elle nous rend visite, pointez-vous. Et d'ailleurs, en fait, Julie Rochelot va être à l'émission dans quelques semaines également. Donc, on aura l'occasion de parler de son travail de mythe. Tu pourras lui transmettre toute mon admiration. Sans faute, Marco. Merci. Et avant de se laisser, j'aimerais juste qu'on mentionne un petit clin d'œil à un essai que tu as lu aux belles lettres, que tu as terminé hier. Donc, c'est encore tout frais dans ta mémoire. C'est de Benoît Mouchard, un essai qui s'intitule « De la bande dessinée au 21e siècle ». Ouais, c'est rentré cette semaine et il y a très peu d'essais sur la BD, donc chaque fois qu'il y en a un, je me jette dessus et j'essaie d'en... Et là, ça m'intéressait le titre évoquait un constat de ce qu'on a en BD aujourd'hui, c'est-à-dire de la BD, de la bande dessinée au 21e siècle. Benoît Mouchard est le directeur des programmations pour Angoulême depuis 2003. Donc, je me disais, ah, waouh, quelqu'un qui est dedans et tout. À peine 125 pages, 130 pages aux belles lettres, un petit truc qui coûte à peine $15. Une rétrospective, un historique de la BD faite à une vitesse fulgurante, mais qui saisit les moments clés. Et à la toute fin, un constat de ce qu'est la BD, à quoi elle est confrontée, c'est-à-dire le médium papier, à quoi il est confronté aujourd'hui, où on en est commercialement, où on en est artistiquement. Bien fait, j'aurais voulu moins d'historique, plus de constats actuels, un peu de prédiction, oui, pour nous aider à peut-être situer, mais... L'avantage de l'historique, j'ai l'impression, Marco, c'est que ça donne un côté peut-être un peu plus intemporel au livre, oui, parce que veut, veut pas, on réfléchit à la situation actuelle, mais on expose des situations qui, elles, ne changeront pas. Effectivement, et après réflexion, je m'aperçois que c'est nécessaire de se remémorer les faits marquants pour pouvoir voir où on en est et qu'est-ce qui va prévaloir dans un avenir proche ou lointain. Et Marco, j'ai l'impression qu'un livre comme ça aussi, c'est une belle amorce à débat, à discussion. Je veux dire, Benoît Mouchard amène des belles questions pour les amateurs de BD. C'est ce que je te disais hors d'onde tout à l'heure. J'aimerais beaucoup que tu nous fasses une belle table ronde. je lance l'idée. Une belle table ronde avec le bouquin comme... Mais peut-être une ou deux idées, Marco, des questions qui sont soulevées avant de se laisser là, en 30 secondes. Là. En fait, à la toute fin, il évoque aujourd'hui sur quoi la BD est confrontée, c'est-à-dire un sur le plan commercial avec le jeu vidéo, les dessins animés et la bande dessinée numérique, le livre numérique, à quoi il est confronté commercialement avec la concurrence du manga, avec quoi il est confronté les Américains, le roman graphique. À tout ça, il les évoque, mais en même temps, il propose des pistes pour la BD. Qu'est-ce qu'elle doit devenir pour l'avenir? Alors, ben, à voir peut-être en route vers un éventuel débat ici à l'émission. Qui sait? Alors, de la bande dessinée au 21e siècle, c'est de Benoît Mouchard. C'est aux Belles Lettres. Marco Duchesne, on se dit à très bientôt. Ben, merci. Et nous, on s'en va en musique avec un extrait donc de la formation Radlib. Et toujours à l'écoute de La Vie en BD pour terminer l'émission cette semaine, une nouvelle collaboration. Alors, Patrick Marleau est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, quelques regards sur la BD des nouvelles sorties et d'autres éléments pour te situer. Mentionnons que tu es, entre autres choses, libraire du côté de l'imaginaire. Bien sûr. Et donc, on va commencer peut-être justement avec, en allant un peu du côté du comics américain, dans le style avec la traduction française de l'adaptation en comic book du Trône de Fer, donc la populaire série de George R.R. Martin. Effectivement, donc la deuxième saison vient de sortir tout récemment en DVD. La troisième saison débutera, elle, fin mars. Alors, pour les maniaques qui aiment la série télé, qui veulent peut-être pas embarquer nécessairement dans la lecture des romans parce que c'est quand même des grosses briques, alors on peut conseiller justement cette bande dessinée-là qui est une adaptation très fidèle des romans. Donc, le premier volume vient de sortir maintenant en français. Moi, j'ai vraiment aimé. Tu sais, c'est vraiment dans le style classique du comic book américain, du très beau dessin, très efficace, donc pour les amateurs de que ce soit de fantastique, mais surtout du Trône de Fer, là, je conseille fortement. Oui, parce qu'en fait, la grande question, j'imagine, quand on s'attarde à un ouvrage comme ça, c'est aussi, ben, qu'est-ce qu'on y gagne de plus, entre guillemets, si on aime la série, si on aime les romans. Et dans la préface, en fait, l'auteur le mentionne clairement, il dit, regardez, c'est pas une adaptation de la série, on est retourné au roman et on a essayé de voir de quelle manière donc ça pourrait s'exprimer en BD. Effectivement, fait que ça vient un complément, parce qu'autant la série télé, on n'a pas le choix des fois, ben, c'est une adaptation, évidemment, ça dit lui-même le mot qu'on adapte, donc on transforme certaines choses. Donc la bande dessinée, c'est pareil. Et, bon, pour avoir vu la série télé, avoir lu les romans, je trouve que c'est un bon complément, effectivement, très, très efficace. Je pense que, parce qu'évidemment, c'est publié en anglais avant tout sous forme de mensuel. Là, je pense qu'on est rendu à une quinzaine de numéros, si je me trompe pas. Puis là, je pense qu'on a terminé le premier volume. Donc, je pense grosso modo, il y a un an de parution pour l'équivalent d'un volume. Là, fait que c'est quand même, on a beaucoup de matière. Là. Oui, puis avec quand même des livres qui sont assez denses. Donc, oui. En fait, moi, personnellement, la première réaction que j'ai eue quand je l'ai reçu, je me suis dit, mon Dieu, comment ils ont réussi à décondenser ça et à faire que ça fonctionne aussi au niveau BD à travers les narrations et le reste. Là. Oui, effectivement, c'est un travail de moine, un peu comme les scénaristes de la série télé le font. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la même équipe du tout qui travaille sur la télé ou le comic, donc c'est vraiment deux interprétations différentes, mais qui se rejoignent en quelque part. Donc, vraiment une belle lecture donc pour ce créneau-là. Alors ça, c'est Le Trône de Fer, c'est de Daniel Abram et Thomas Peterson, d'après l'œuvre, comme on le mentionnait, de George R. Martin. Mm-hmm. Patrick, autre titre sur lequel on s'attarde cette semaine, c'est un titre en fait qui, j'imagine, pour certains, en fait pour les fans de Guy Delisle, était assez attendu, Le Guide du Mauvais Père, le premier tome. Effectivement, ben moi quand j'ai su qu'il sortait une nouveauté, j'étais très heureux parce qu'évidemment, c'est très long souvent entre ces ouvrages disons plus sérieux. Là, on tombe dans un Guy Delisle beaucoup plus léger. Alors, pour ceux qui s'attendent à du chronique de Jérusalem, Pyongyang, là, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Je dirais que c'est plus près de l'esprit de Louis Ouski, Louis à la plage, donc qui était des BD qui faisaient un peu sur son garçon. Donc, moi, j'ai évidemment, étant amateur de Guy Delisle, j'avais très hâte de voir ça. Et j'ai pas été déçu, honnêtement. J'ai trouvé qu'il y avait de très bons gags. On tombe un peu dans l'humour un peu noir, un peu sarcastique, donc d'être un père et de faire les mauvais choix face aux des faux questionnements des enfants, tout ça. Donc c'est une très belle lecture qui passe vite. Le format de la BD est un peu dans la même collection que le Stitcha Divienne et Iris, ou les fameux blogs là, de Bastien Vivès qu'on met en bande dessinée aussi. Donc chez Delcourt. Mais en fait, il faut dire que c'est carrément né, en fait, du blog de Guy Delisle. Exactement, donc oui, c'est ça. Donc, c'est cette collection-là, donc blog, un peu chez Delcourt, on reprend justement certains ouvrages sur le net comme ça. Mais donc moi, je suis très heureux parce qu'évidemment, Guy Delisle se fait rare. Donc, on est toujours heureux quand on a de la lecture. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand même, depuis le succès de Chronique de Jérusalem, on voit qu'il est allé chercher vraiment un nouveau public. Mm-hmm. Et on le ressent aussi au niveau des ventes. Donc ça, c'est toujours plaisant. De voir maintenant, je pense, un auteur qui va être capable d'aller chercher vraiment un autre lectorat, pas toujours nécessairement de bande dessinée, mais de roman aussi. Donc ça, c'est, je pense que c'est bien pour la bande dessinée de s'ouvrir, de montrer qu'elle est moins marginale, qu'elle peut rejoindre plus de gens. Et en même temps, j'ai l'impression, en fait, que tomber sur un livre comme Le Guide du Mauvais Père, on peut pas s'empêcher non plus de faire un parallèle avec la mouvance un peu des mots d'enfants ou des situations d'enfants. D'un côté, en BD, peut-être un peu des clins d'œil à Picot Bug, mais surtout aussi ici au Québec, du moins avec toute la lignée des mères indignes. Ouais. Oui, effectivement, là, un pendant masculin, effectivement, c'est un très bon point. Donc, là, on voit un peu le côté très maladroit d'un père. Donc, oui, on surfe un peu sur ce courant-là. Et c'est bienvenu, honnêtement, parce que c'est le fun aussi d'avoir le pendant masculin. Oui, puis ça reste un peu, en fait, parce que on le voit dans ses romans. En fait, Guy Delisle, il est très fort, justement, au niveau du rythme du dessin, l'efficacité des traits, parce qu'il y a un dessin qui est quand même relativement simple, mais qui reste diablement efficace, là. C'est vraiment, oui, tout à fait. Ça peut paraître minimaliste, mais un peu comme les Paul de Rabagliati aussi, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ce trait-là, qui est un trait un peu ligne claire, très classique, mais il ne faut pas sous-estimer justement le sens du rythme et du punch de Guy Delisle, et qui est vraiment là ici à l'état pur, parce que c'est vraiment des courtes histoires punchées, donc avec un gag, travaillé pour le gag de la fin. Alors, les Chroniques du Mauvais Père, est-ce qu'on le recommande de manière générale, Patrick Marleau? Oui, moi je trouve que c'est vraiment une belle lecture à offrir à quelqu'un qui lit pas de la bande dessinée aussi. Je trouve que ça se donne très bien. Donc, pas non plus pas très cher. On parle d'une dizaine de dollars, je pense 12 ou 13,95. Vraiment, c'est une lecture de cabinet. On peut mettre ça de côté. c'est très, très bien. Et Patrick, avant de se laisser, il nous reste à peu près 3-4 minutes. J'aimerais t'entendre un peu sur le quatrième long métrage d'Astérix au service de Sa Majesté, qui est inspiré un peu d'Astérix et des Bretons. Alors, de quoi ça retourne et est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, moi j'ai eu l'occasion de le voir. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'est pas un grand film, on s'entend. Mais dans la lignée d'Astérix, je dirais que c'est le deuxième meilleur. Donc, évidemment, Astérix aux Jeux Olympiques, le troisième volet avait déçu beaucoup. Tant au niveau critique que du box-office. Donc, on revient un peu plus aux sources. Ça n'a peut-être pas la folie ni la grandeur d'Astérix Mission Cléopâtre, mais honnêtement, c'est un très bon divertissement. J'ai adoré Édouard de Baer dans le rôle d'Astérix parce qu'évidemment, on change encore une fois de comédien pour le rôle d'Astérix, mais j'ai trouvé très efficace Fabrice Luchini en César délicieux. Donc, et en même temps, on adapte un album qui est parmi, je pense, les préférés des lecteurs d'Astérix, Astérix chez les Bretons. Évidemment, parce qu'on joue beaucoup sur les différences culturelles entre Britanniques et Français. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil. Alors, je le recommande fortement. Pour ceux qui aiment Astérix, c'est un très bon divertissement. Vous allez passer un bon 2 heures. Et évidemment, l'album... Pour ceux qui aiment Astérix, ben c'est un des incontournables à lire et ça va peut-être redonner le goût à des gens de le relire. Et en même temps, ce que je trouve drôle, c'est que de savoir que les meilleurs films, dans le fond, en live action, si on peut dire, d'Astérix, sont ceux qui s'inspirent indirectement ou qui ont déjà été adaptés en film, en court-métrage, en long-métrage d'animation. Mission Cléopâtre, ben Astérix et Cléopâtre, ouais. C'est probablement le meilleur des films d'animation d'Astérix et c'est le meilleur en live action. Et là, tu me dis, ben regarde, au service de Sa Majesté, qui est inspiré d'Astérix et les Bretons, est aussi assez solide, somme toute, alors qu'Astérix et les Bretons était aussi l'une des bonnes adaptations en dessin animé. Là. Oui, oui, tout à fait, oui. Et quand même, derrière la caméra, c'est le réalisateur aussi du petit Nicolas qu'il faut mentionner. Donc, autre œuvre également de Goscinny. Alors, c'est pour ça qu'Uderzo avait donné le feu vert à Laurent Thiard de faire cette adaptation-là, car il avait bien aimé le petit Nicolas. Alors, pour lui, c'est un retour dans l'univers de Goscinny comme ça. Et parlant d'Astérix, ben la grosse nouvelle aussi qui a été annoncée il y a quelques semaines, c'est l'apparition d'un nouvel ouvrage. Je sais pas si tu en as parlé, mais il va avoir un nouvel album à l'automne, un 35e album d'Astérix, mais pour la première fois, pas scénarisé ou dessiné par Uderzo. Et j'ai l'impression que suite à la galère, le dernier album en fait qui a été apprécié par certains et très honni par d'autres, ça risque de donner un souffle nouveau à la série qui commençait à battre de l'aile un peu ces derniers albums. Ouais, tout à fait, non. Je pense que c'est un très bon geste de la part d'Uderzo, d'autant plus qu'il est quand même allé chercher un scénariste très intéressant, Jean-Yves Ferry, évidemment scénariste de Retour à la Terre, entre autres. Donc, j'ai bien hâte de voir ça en octobre prochain, le 35e album d'Astérix. Alors, ben Patrick Marleau, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Certainement. Au revoir. Au revoir. Alors voilà quelques commentaires BD et cinématographiques de Patrick Marleau. Et c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. Évidemment, on sera de retour la semaine prochaine avec quelques regards Québec-Bordeaux. Il y aura les deux auteurs, celui de Bordeaux et celui de Québec, qui ont mérité la résidence croisée, qui seront de passage avec nous pour une belle discussion à quatre en compagnie également de Michel Giguère. Alors, ce sera ne pas manquer la semaine prochaine, donc toujours à partir de 17h30. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine sur les ondes de CKRL pour cette nouvelle édition de La Vie en BD.